puisqu'il prend ce prétexte-là. Nous, on va se venger, on va te venger. Et elle décide de monter un coup pour venger leur copine en faisant venir donc le fameux Marc, hein, qui est interprété par Loïc. Et puis, et bon, bah, elles vont s'occuper de lui, sérieusement. Donc ce n'est pas une pièce où on pleure, en fait. Non. Hein. Voilà, non, c'est non, ça. Non, hein. Non. On a oublié de citer l'auteur. Oui. Qui s'appelle Christian Rubio. Tout à fait. Moi, j'avais une question à poser à Loïc. Est-ce que c'était toi qui étais prévu pour le rôle quand ils ont fait l'affiche? Ah, tu parles de ça à cause de l'affiche au niveau des cheveux, c'est ça? Oui, parce que sur l'affiche, le mec a des cheveux. Alors, c'est pas très sport, déjà. Hein. Surtout chez l'hôpital qui se fout de la charité. Non, puis surtout à la radio, on peut s'imaginer que j'ai des cheveux. Les gens m'imaginent avec des beaux yeux. Non, ouais, en fait, toute l'affiche était faite avant qu'on me choisisse. Mais de toute façon, je ne crois pas. Toi, mais qui ça devait pas être François. Au début, si, bah, c'est, on la reconnaît, Françoise, quand même. Ah oui, on voit bien la blonde. Il y avait une fille de plus, donc moi je suis un medley des deux blondes. Mais ça devait pas être Françoise non plus qui était prévue, car les filles sont pas belles sur le. Oh. Ça va, je me rattrape. C'est très bien. Donc ça se joue quand? Ça se joue le vendredi à 20h, le samedi à 20h et le dimanche, attention, 17h. Ah. Donc pour l'instant, c'est à Paris au théâtre Montmartre Galabru, mais peut-être des dates en province qui s'envisagent ou que vous préparez, que vous prospectez. On démarre, envisage pour l'instant, déjà on va voir si ça marche. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On a fait les 6 premières représentations, se sont plutôt bien passées. Évidemment, le projet c'est de la rejouer sur Paris, d'aller à Avignon éventuellement aussi. Donc on va attendre de voir ce qui se passe. Pour l'instant, ça démarre bien, mais on peut partout on vous demandera. Dans tous les pays francophones. Voilà, mais même aux States. Là, on n'a pas encore de station. My exes and my buddies. Alors, dans cette émission, vous allez voir, il y a à boire et à manger. On voit ça. Hein, vous verrez qu'elle est tournée de blagues. Enfin, vu la dentition de Bob, il y aura à mâcher. Sur... Qu'est-ce que tu prends, Bob? Qui c'est qui rigole? Je regarde tous ceux qui rigolent. Ah, bon. Voilà. Des blagues foirées par Maurice, envoyées par des auditeurs. Il y aura également des épreuves. Mais, bah, cette émission sera une épreuve. Et la première, c'est le baptême de l'équipe adverse. Car oui, vous formez 2 équipes. Ah, et oui. Oh, on dirait le sermon de la Béchamel. Car oui, mes frères, vous formez 2 équipes. Donc, pour que les auditeurs s'y retrouvent au fur et à mesure de la soirée, il faut des noms aux équipes. Donc, Bob, Maurice et Gégé, qu'est-ce que vous avez comme idée de nom d'équipe pour Françoise, Loïc et Frédéric? Les Blondasses. Ouais, bien, très bien. C'est bien. Original. Hein. Ouais. Les Blondasses. Allez-y, assaisonnez-les. Hein. Les Trois Grâces, en fait. Ah, avec 2 S. Donc, nous allons jouer ce soir avec les Blondasses contre les Trois Grâces. Oui, merci. T'es pas obligé de prendre l'accent. Si, hein. si. Première question, donc pour le premier point de la soirée, une question importante. Le premier qui a la réponse. Qui. Ouais, là, vous pouvez bombarder là sur ce coup-là. Comment s'appellent les 2 bandes rivales dans West Side Story? Les requins, c'est-à-dire les skins les et, jets. Les sharks. Non, les sharks non. Et les jets. Les sharks et les jets. Bonne bravo, réponse bravo. De l'équipe des Blancs. Je t'en ai donné une. Hein. Oui, mais j'avais plus les charges, je me souvenais juste de la chanson When You're a Jet, You're a Jet. Enfin, ouais. Bon, alors Maurice a une boîte e-mail dans laquelle les auditeurs envoient chaque semaine des blagues. Ah. C'est de Patrick de Paris. Ah. Oui. Bah, un poisson fait, rouge bah, et un sous-marin entrent en collision. Oh. Qui est le fautif? Vous savez pas. Non, on ne sait pas. Le fautif? Non, on ne sait pas. Le fautif. Le sous-marin parce qu'il n'avait rien à faire dans le bocal. Dans l'aquarium. Ah, dans le bocal. Bravo. Dans l'aquarium. Ah oui, il y a du niveau là. C'est bien. Eh bien, Françoise et Loïc, comme vous avez vu l'étendue des dégâts, vous allez pouvoir réviser vos blagues car juste après la pause, il faut faire mieux que Maurice. C'est la première tournée de blagues. Allez, restez avec nous. Retour, on va se marrer. Ouais. Avec Françoise Carrière et Loïc Tréhin. Ouais. Qui viennent nous voir pour mes ex et mes potes. Ah ouais, super. Alors, comme Bob a bien écouté l'explication tout à l'heure qu'elle nous a fait Françoise de l'histoire de la pièce, rappelle-nous un peu pour les auditeurs, mais en résumé, de quoi parle cette pièce? Eh bien, c'est facile. C'est l'histoire d'un mec et d'une fille qui ont des potes et des ex. Oui. Tu vois, alors ils partent en vacances. Oui. Mais arrêtez tout parce que. Oui, il n'a rien écouté. Non, j'en étais sûr. Maurice va faire la pub. Ah ben Maurice, ah. Oui. Et ça se joue plutôt. Moi, la pub du spectacle, j'irai moi le voir, le spectacle. Ah, voilà. Plaisir. Et ça se joue au théâtre Montmartre-Galabru,

Ouais, voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire, enfin ce que Oscar a voulu faire, puisque c'est lui le metteur en scène. On a retravaillé le texte, et puis on a essayé effectivement de faire une pièce de théâtre plus qu'un spectacle, un effet, un rire. C'est-à-dire qu'on a essayé de placer les gens sur une histoire. Qui est pas non plus l'histoire du siècle, mais qui est une histoire qu'on peut suivre, on peut essayer de s'attacher au personnage. On a essayé aussi de soigner le décor, pas faire un truc criard, tape à l'œil, avec des affiches mal collées sur le mur. On a essayé de faire quelque chose de sobre. Et en plus de ça, Oscar Sisto, donc je précise, qui est compositeur à la base, a écrit des musiques et des chansons aussi pour agrémenter un petit peu la pièce. Donc on est dans une espèce de mixte, un peu comédie musicale, spectacle comique, qui fait qu'en tout, on vient voir une pièce. C'est l'espoir qu'on a en tout cas. Et effectivement, on remarque que les gens, y a des moments où ils rient, franchement, parce qu'il y a des gags, des gags qui nécessitent ça, en tout cas, qui suscitent ça. Mais il y a d'autres moments où nous aussi, on a été surpris, et c'est là qu'on pense qu'on a réussi, c'est que les gens, ils ont une banane. On les voit, mais ils éclatent pas de rire. Ils sont juste contents et ils sourient. Suivent le personnage. Ils passent une bonne soirée. Quoi. Ils passent une bonne soirée, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments où on s'est dit merde, ça devrait marcher. Et les gens nous ont dit mais ouais, on est contents. Mais c'est pas un éclat de rire, voilà. C'est pas mon cul sur la commode toutes les deux minutes. Ah. Et parce qu'il prend beaucoup de place, oui. Il est très lourd et non épilé. Ah. Donc là, c'est, voilà. Ça c'est. Oui, donc tu notes, De toute façon, il a une tonne d'infos là. Oui, là c'est. Et alors, en plus, il y a des moments d'émotion aussi qui font que cette histoire un peu légère, un peu drôle, par moment, on est obligé de s'arrêter et pas forcément rire, puisque ça fait partie de la vie de tous les Bien jours. Sûr. On a beau avoir des vies très drôles, il y a toujours des moments où on s'arrête un petit instant. Et je crois que les filles sont mises en plus à l'épreuve. Elles ont une petite chose supplémentaire à faire. Voilà, elles ont une motivation guerrière qui est le AK, donc ça tombe bien en ce moment. Et donc il y a ce qu'on appelle le AK des filles qui s'apprête à ridiculiser le pauvre Max en question. Mais il faut quand même dire que c'est pas si simple que ça, parce que après on se demande qui va ridiculiser qui. Est-ce que Marc est si dupe que ça? Enfin bon, il y a quand même une petite histoire à venir vérifier. Bien sûr. Les hommes ne sont pas que des cons. Donc, Alors on va vérifier justement si vous allez réussir à ridiculiser l'équipe des Trois Grâces. À quoi À ridiculiser l'équipe des Trois Grâces avec l'épreuve du trivial. J'ai donc tiré au hasard. Ça fait des années que tu tires. Deux cartes dans le boîtier du trivial de 1985. Oui, donc je précise pour les invités, si Philippe vous pose la question de quel pays Moscou est la capitale, vous répondez... La Russie. Mais non, 85 L'URSS. Voilà. Oui. Donc une question par équipe. Et nous, on guette. 6 questions sur chaque carte, 1 point par question. Si vous ne savez pas ou si vous échouez à une réponse... Vous vous souvenez de Guilux quand il expliquait ses jeux. Voilà. Donc si vous échouez ou si vous ne savez pas répondre, l'équipe adverse peut donner la réponse et marquer le point. Attention, il y a une autre règle, c'est la règle cash. Attention. La règle du cash, c'est pas compliqué. Si vous avez, donc si c'est votre carte, et si vous avez la réponse, vous n'êtes pas obligé de vous consulter, vous dites cash, et vous donnez la réponse. Si c'est la bonne réponse, c'est 2 points. Voilà, si c'est la mauvaise réponse, c'est 2 points. La main passe, voilà. Et là, oui, c'est ça, c'est l'autre équipe. Voilà, donc. Je crois que j'ai donné toutes les règles de c'est ce bien, jeu. Il explique pas comme Guy Lux, il explique comme Pierre Bellemare. Moi, j'ai l'impression que tu fermes les aussi, yeux, t'as l'impression là. D'entendre Pierre parce que, Bellemare. Parce qu'il en a marre qu'on lui dise qu'il fait, qu'il sait Guy Lux. Alors, il fait un peu du Bellemare. C'est la maturité. Et oui. Et là, si vous n'en venez pas correctement, objection de valise. Non. Alors, je fais toujours choisir Bob, qui est un très mauvais joueur. Il est mauvais c'est joueur. Pas vrai. Qui il est toujours joueur. Persuadé que c'est triché. Mais de toute façon, cette émission est une tricherie. Alors. La 1 ou la 2 ? Tu dirais quoi, toi ? Moi, ce aujourd'hui, je ne dis rien. Voilà. Non, bah, de toute façon, la 1 ou la 2 ? Celle-là. Celle-là. Ouais. Alors, on va faire commencer l'équipe des Trois Grâces, parce qu'elles sont menées. J'aime bien comment on dit ça. Avec leur première question, donc c'est leur carte. Donc, c'est nos réponses, d'abord. Est-ce que, Bob, vous êtes prêt ? Non. Eh bien, c'est parti. Quelle ville est desservie par l'aéroport Leonardo da Vinci ? Non, bah soit tu le dis en français. Leonardo. Soit tu le dis avec le vrai accent. Da Vinci. Da Vinci. Da Vinci. Da Vinci. Leonardo da Vinci. El vuelo numero. Amsterdam. Non, c'est la. Alors, dans les micros. La Sicile. C'est à Rome. À Rome. C'est à Rome, mais l'aéroport, il n'est pas à Rome, c'est comme ici à Orly. Alors.

Pascal. Alors, je jette un petit coup d'œil sur les points très rapides. Oh, oui. Tu nous emmerdes avec tes points. Mais très rapide, oui, GG. Ça va être vite fait. Donc, malheureusement, je dois dire que l'équipe des Trois Grâces cette semaine. Ah non, non. L'équipe des Trois Grâces. Ah oui. N'a marqué que 2 points, ce qui est quand même malheureux. Donc, je crois que définitivement, vous avez donc perdu la peau de chat. On l'offrira à l'équipe des Blondes. Ouais. Du coup, on va pouvoir, puisque c'est eux qui ont gagné, faire la promo du spectacle Mes ex et mes potes. Ah, ah oui, Maurice. Alors, qui se joue au théâtre Montmartre-Galabru, au 4 rue de l'Armée d'Orient, dans le 18e arrondissement à Paris. Mmh. Et c'est tous les vendredis et samedis à 20h et le dimanche à 17h. Ah. Et on précise que c'est une mise en scène d'Oscar Sisto. Voilà. C'est vrai. On peut rappeler peut-être le nom des deux autres comédiennes qui jouent avec nous. Il y a donc Françoise Munch et Rosa Kadim. Voilà. Il y a une page sur Facebook. Hein. Enfin, pas une page, mais un événement qui est consultable par tout le monde. Vous tapez mes ex et mes potes. Et puis là, vous allez tomber sur le mur. Vous aurez toutes les infos possibles. Bah, c'est super. Bah, merci de nous avoir rendu visite. Merci. D'avoir participé. Merci. Participez. Il n'y a pas de problème. Participez. Ça fait plaisir. Participez. Participo, participus, ça marche aussi. Et rendez-vous à la Mamounia. Oh non, arrête, ça suffit maintenant. Bon, eh bien, on va les applaudir encore une fois. Oui. Merci à toute l'équipe. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'émission, il y a la page Facebook avec les photos de nos invités et puis les liens pour les retrouver aussi sur leur propre page Facebook. Il y a le podcast sur iTunes tous les mercredis. Vous retrouvez notre podcast sur iTunes en direct. Et puis, les anciennes émissions, c'est sur onvasemarrer.com. La boîte de Maurice pour les mails. C'est radio.ovsm@gmail.com. Bravo. C'est parfait. Merci de votre patience et de votre fidélité. À la semaine prochaine. Production Radio Plus.